Je suis dans le train, je regarde passer le paysage de loin par la baie vitrée. Je suis dans le train, je regarde passer le paysage de loin par la baie vitrée. Je m'enfonce au fond du fauteuil en sky, un vilain marron pour ceux qui ne maillent. Je m'enfonce au fond du fauteuil en sky, un vilain marron pour ceux qui ne maillent. Level 1. Comme un aquarium, je me noie doucement. Comme un verre de rhum que je bois doucement. Une envie de vomir par mes trous de nez et me rendormir à plus rien penser. Une envie de vomir par mes trous de nez et me rendormir à plus rien penser. Level 2. Et ma vie défile, une ombre dans la rue, en costume civil. Je ne bouge plus, et ma vie défile, une ombre dans la rue, en costume civil. Trouver un travail, avoir de l'argent, je me sens pas de taille à parler aux gens. Trouver un travail, avoir de l'argent, je me sens pas de taille à parler aux gens. Level 3. Lever dans tes bras, c'est bien. You win.